This is a Saucy production. Les boycottés. Agent putain de V. L-O-W. J'ai pas caillé, pas trouvé mon banquier, je rêve de saigner. Y'a plus de blé, pas sa monnaie. Je suis boycotté de mai à mai. Et quand y'a pas de bif, ça part en couille, plus des spliffs, mais des doux. Mes gars se pètent là, c'est trop que pour le plastique. Tu sais que ton part, ça magouille, dur de face. Qu'il est doux, nous fait belle être, j'en brûle, automatique. Quand tu cliques, ça fait boum dans ta tête comme une bombe. Des fois, ça serait pour une blonde, putain, c'est chum. Faudrait qu'on tape, tu sais plus qu'on va en Seychelles. Avant que la rue nous laisse, des putains de séquelles. Tu peux finir à jeu comme un déquel. Et quand y'a ta peu, je t'apporte tel quel. Ma banque elle tienne, je découpe des plaquettes, je brise la plaquette. Ma putain de bif tout flex sur ma braguette. Ma putain de bif flex sur ma braguette. Putain de bif tout flex sur ma braguette. J'ai pas les couilles, donc je vais pas braquer. J'ai peur des couilles, combien nos frères sont vus embarquer. Presser le parquet, comme une tarte, ouais. Putain de parquet, comme une tarte, ouais. J'ai pas les couilles, donc je vais pas braquer. J'ai peur des couilles, combien nos frères sont vus embarquer. Presser le parquet, comme une tarte, ouais. Ah putain de tarte, ouais. Putain de parquet. Les boys côté. L-O-W. Agent putain de V. Hein? T'es pas prêt? Non, non, non. Laisse parler comme ça. Je leur prépare un cocktail. Pétage d'épines dorsales. Rien à foutre au top 10. Je sais qu'au fond t'adores ça. Donc te donne pas tant de peine. Je te ferai tourner comme Dorset. J'évacuerai toute ma haine. Enculé, t'es mort, t'es moulaine. J't'ai vu tirer, oui t'es moulon. Donc fais tourner le Joko en frère en tôle. Comme Beko, déconne pas, oh ce beau, parle pas trop. Des coups d'état, non y'aura pas de pardon. Nick le Schmidt et leur palpation. On arrêtera quand nous palperons. Pas d'euros, non pas d'euros. Donc en guerre nous partirons. Partisons, oui partisons. Faire des lovés, vider la prison. Pas de caprice, je te casse le zen. Casse le zen, casse le zen. Trinque à moi, santé, casse la tienne. Casse la tienne, casse la tienne. Te sors un CS, puis 15 à la chaîne. Ceux qui sentent menacés, sans rappel. Saut du ravin, sans rappel. Ferme ta bouche, tu sais pas rapper. Si on se met sans tes comptes, on va pas te rater. Enfin, c'est très difficile de le pas craquer. J'ai tout niqué cette année, on veut me déférer au parquet. De ce putain de c'est qui le padré. Les boycottés. La putain de Taras. Agent putain de V. 1. Ma cache. L-O-W. S-A-N. T-E-Z. J'ai pas les couilles, donc je vais pas braquer. J'ai peur des couilles, combien nos frères sont vus embarqués. Presser le parquet, c'est comme une tarte, ouais. Putain de parquet, c'est comme une tarte, ouais. J'ai pas les couilles, donc je vais pas braquer. J'ai peur des couilles, combien nos frères sont vus embarqués. Presser le parquet, c'est comme une tarte, ouais. Ah putain de tarte, ouais. Putain de parquet.